Give me the home. Give me the yeah. Give me the yeesh. 1, 2, 3. De la chaîne des cimentaires, l'organisation mondiale des guerrières, vouée à faire basculer nos vies. Assure nos bêtes sont bondées d'un cri. Assure nos bêtes sont bondées d'un cri. Un radeau adorable pour s'échouer, et qu'importe que soit douillé mon nid. Trop forte et coaxiale cette envie. Si faible ma belle, pour vous l'avouer. Si faible ma belle, pour vous l'avouer. Si faible ma belle, pour vous l'avouer. Plus que son corps, un 5 à 7 se pratique dans le crime, la fatigue formique. Encore même organisée, les jeux sont faits, non rien ne va plus. Non rien ne va plus. Que rien ne lui va plus que son corps. Rien ne lui va plus que son corps. Son fric, ma tête et les centimes. Miss Dynamite déclenche mon régime. Car une infirmière nous soulage tous deux, mais ne pargne pas ça, non, nos douleurs. Nous les peintures, on y fout le feu. Même si les princesses nous font, même si les princesses nous font peur. Car une couturière pour un roi d'Italie, prince de l'Ué, non pas vu, au pas pris. Une acrobatie portugaise, celle qui dégoûte les anglaises. Une acrobatie portugaise, celle qui dégoûte les anglaises. Car 5 à 7 se pratique dans le crime, la fatigue fornique. Encore même organisé, les jeux sont faits, non, rien ne va plus que son corps. Un 5 à 7 se pratique dans le crime, la fatigue fornique. Encore même organisé, les jeux sont faits, non, rien ne va plus. Non, rien ne va plus. Que oui, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, oui, que son rien ne lui va plus que son corps. Rien ne lui va plus que son corps. Au sommet de la chaîne vestimentaire, l'organisation mondiale du guépière. En malandrin, je défie la réflexion, les dés sont bleus, ma belle confirmation. La fatigue fournit d'un grand confort, rien ne lui va plus qu'un pierrot. La fatigue fournit d'un grand confort, rien ne lui va plus qu'un pierrot. Et dans le décor, oh dans le décor, mais dans le décor.